Énergie, salut tout le monde, bonjour, bonjour. Oui, il est 4h. Allez, debout. Enfin, debout si vous voulez, hein. Moi y a pas de stress. La playlist Énergie à 4h du mat, on suit Snake, et puis le meilleur de Mickaël, le Rico Show, Koé, le meilleur de Manu, dans 6-9 sur Énergie. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie-talkie wants, yeah, my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Énergie, salut tout le monde, on fait propre, rapide, efficace, la playlist Énergie, LSD, c'est la suite, avec aussi le meilleur de Mickaël, c'est à 23h tous les soirs, Mickaël pour vous sur Énergie, et avec Tof qui a appelé les gens pour leur annoncer qu'il existait des maquillages intimes pour vous, mesdames, oui, écoutez. Bon, on se fait des appels bienveillants avec Kim Kardashian qui vient encore d'avoir une grande idée, elle va sortir une gamme de maquillage intime. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, donc maintenant, en plus de devoir passer une heure à vous maquiller le visage, eh bien il faudra aussi faire vos lèvres. Bon, évidemment, d'en bas. Hein, mais non. Mais ils ont déjà sorti un highlighter pour la minette. Ah ouais, non, pour se maquiller la chatte. Tu t'es déjà maquillé la chatte ou pas, Amina? Ouais, contouring et tout au max. Non, vous êtes bête ou quoi? Mais quel est l'intérêt? Bah, c'est pour que ça soit. Comme disent c'est quoi, genre un rouge à lèvres de chatte? Non, c'est genre fond de teint, highlighter, anti-cerne, enfin anti-cerne du coup, correcteur. Il y a de la poudre et tout. C'est vraiment une espèce de connasse d'escroc. Allez, c'est une Non, mais il n'y a pas qu'elle, il y a plein de marques qui font ça. Non, mais c'est de l'escroquerie. Il y a de la poudre bronzante et tout. Tu vas te poudrer la chatte, tu vas te poudrer la chatte. La poudre bronzante. Non, mais je te jure, il y a tout, il y a du blush et tout, mais c'est à total. Ça, mais ça va pas ou quoi? Non, mais c'est une question, mais peut-être que ça, c'est dans ta trousse de toilette. N'importe quoi, il y a des bases matifiantes et tout, il y a tout. Non, mais j'aimerais bien. Je te jure. T'es la meuf, c'est pas des escrocs, ah ouais, là, salopards. C'est salopards. Bon, bref. Je dirais que dans 10 ans, vous aussi, vous ferez des smokey eyes sur vos sgags, c'est sûr. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Polo qui veut montrer son sgag. Mais ouais, mais il faut le maquiller d'abord. Mais je t'ai déjà dit. Voilà, c'est dingue ça quand même. Je peux accéder à cette demande. C'est ça. Et bientôt, tu vas aussi avoir les maquillages pour Lyon. Mais ça existe déjà, il y a les blanchiments d'anus. C'est pas vrai. La poudre d'enculé. Ah, c'est ça. Non, mais ça, c'est un. Ça s'appelle comme ça. Non, ça s'appelle pas comme c'est ça. C'est la foudre d'enculé. Je t'en suis enregistré déjà. Oui, oui, bah, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on y va, Tof, on l'appelle, tu vas lancer la bonne nouvelle. Bah oui, allons-y. Allez, hop, c'est parti. Toujours, évidemment, grâce au numéro que vous envoyez sur toph.energie.com. Bon. Allô. Malo. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que votre femme, elle se maquille le vagin, monsieur? Attendez, j'ai pas entendu. Je demandais si votre... Oui, est-ce que votre femme se maquille le vagin? Le quoi? Le vagin, monsieur. Ah oh, bah, je ne sais pas, pourquoi? Bah, comme ça, pour savoir, monsieur. Bah, je ne sais pas. Ah bon? Mais comment ça se fait que vous savez pas, monsieur? Enfin, vous faites jamais l'amour avec votre femme? Bah, si, mais je ne sais pas, je pourrais pas vous répondre à ça. Ah bon? Bah, c'est quand même ouais. C'est quand même très bizarre, ça, monsieur. Et vous, la vôtre? Bah, moi, j'ai pas de femme, monsieur, parce qu'en fait, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ouais, voilà. Tu te maquilles la bite, puis t'essayes de te la sucer, peut-être que ça ira mieux. Tu crois pas? Bah, je pense pas, monsieur, parce que ça a aucun rapport avec la question. Et ouais? Bah, oui. Bah, parce que moi, j'ai pas compris ta question. Bah, elle est pourtant simple, monsieur. Est-ce que votre femme, elle se met du rouge à lèvres sur la chatte? Bah, pourquoi tu me poses cette question-là? C'est un numéro privé, en plus. Bah, parce qu'en fait, je voudrais avoir la réponse, monsieur. Sinon, je vous appellerai pas, je vous poserai pas la question et on en serait pas là. Non. Oui, mais je peux pas parce qu'en fait, maman l'a chipoté dans la box depuis le numéro, il s'affiche plus. Mais je vous le donne mon numéro si vous voulez. Allô, monsieur. Oui, allô. Alors, mon mari il vous dira peut-être rien, mais moi je travaille à la gendarmerie de Mirande. Oui, d'accord, mais je vois pas le problème, madame. Alors, si vous rappelez encore une seule fois. Oui. Vous traînez un procès, c'est bien clair? Mais un procès pour quoi, madame? Pour harceler les gens, raconter des conneries au téléphone. Bah, je vous harcèle pas, madame, je vous pose une question. Est-ce que vous avez rien d'autre à faire dans votre vie que d'emmerder les gens? Bah, je vous emmerde pas, et puis non, j'ai rien d'autre à faire, madame, je suis au chômage. Alors, tu sais quoi? Tu raccroches vite, connard. Oh non, madame, non, pas de ça entre nous, ça se dit pas, des choses comme ça. Allô? Ah, bah, il faut que tu raccroches vite, connard. Bon, bah, en même temps, elle t'a demandé de raccrocher vite, mais au final, elle t'a raccroché au nez. Bon, on rappelle. Ce qui est scandaleux. Totalement. Allô? Oui. Oui, non, mais je m'excuse parce qu'on a été coupé là. Et du coup, vous n'avez pas répondu à la question. Non, mais attendez, vous n'allez pas m'appeler pendant 15 fois là. Bah, attendez, madame, c'est vous qui répondez pas, c'est pas moi le problème. Mais pourquoi vous voulez que je vous réponde à une question d'aussi conne? Bah, elle est pas conne, madame, ma question, elle est simple. Est-ce que vous maquillez le vagin ou pas? Enfin, qu'est-ce que vous comprenez pas la question? Bon, écoutez-moi bien, là, vous allez arrêter parce que ça va mal aller, d'accord? Bah, non, mais je comprends pas, madame. Enfin, c'est pas la peine d'être désagréable comme ça. Allô? Ah, allô, madame? Ah, bah, elle va appeler la gendarmerie, mais pourtant elle travaille là-bas. Bah oui, je comprends pas. Ah, c'est bizarre. Bon, rappel. Elle nous aurait menti? Bah, probablement. Forte chance. Dommage. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Where did love go? When all is said and done, where did love go? You put the running into sur Énergie. Bonjour tout le monde, bon réveil, j'espère que c'est ce matin, on est jeudi aujourd'hui, on est le 6 décembre. Il y aura The Prince Karma dans la playlist Énergie, Ariana Grande qui arrive aussi le matin dès le réveil. On suit le meilleur du Rico Show sur Énergie, 20h-23h tous les soirs, avec la battle de Rico, c'était sur Énergie mardi soir, écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. T'inquiète Sylvain, la roue tourne. T'as été mauvais, mais alors tu te fais défoncer sur les réseaux. Sylvain, il a attaqué trop tôt, ses figures imposées, trop décrédibilisé du coup, sans être discret. J'en peux plus, elle a les dents de sagesse qui poussent. Ah oui, attends. C'est vrai. Et en même temps, il voulait draguer une meuf qui venait de se faire arracher les chicots. C'est vrai que c'est dur. Les amis, on va essayer d'y arriver. Ça va être à mon tour. Figure imposée, le rire, l'accent, les amis, plus Sarah. On va essayer d'aller jusqu'à Sarah, d'accord ? Allez. C'est parti, Sarah, quand tu veux, on appelle en conférence, d'accord ? Estelle. Pas un bruit, les gars, pas un bruit. Estelle. On y va ? Estelle. Elle s'appelle Estelle. Bah, tu dis quand tu la mets en ligne, préviens. Oui, ça sonne et je préviens. Préviens, parce qu'elle ne répond pas en masque. Estelle. Première sonnerie. Vas-y Estelle. Et bah attends, deuxième sonnerie. Oh là là. Putain, qu'est-ce qu'elles ont les nanas ce soir ? Elles sont désirées. Ah ouais, grand. Putain. Appelle troisième ta mère, elle va décrocher ça. Ah, je vais vous appeler Marie. Ah non, elle est sérieuse ? Allô ? Oui. Ça va Estelle ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, c'est Enzo. Ça va ? Bon, bah oui, écoute, c'est toi. Bah, écoute. Le boulot ? Ah ouais, j'en peux plus. Je suis tombé avec un mec dans l'an. Dans l'avion. Alors une fois, je vais te dire le boulot où je suis tombé sur les Belges. Ah, il m'a fatigué. Oh là là. Ah, j'ai son accent dans la tête. Ils sont gentils, les Belges. Hein. Mais alors, quand t'as un accent, oui. C'est... Ça va, toi ? Eh bien, écoute, oui. Je pensais pas que t'allais après, mais ça va, oui. Écoute, hein, moi, je t'appelle... Tu m'as marqué, hein. Quand je t'ai vu, je t'ai trouvé magnifique. Hein. Bah ouais, je t'ai trouvé magnifique. C'est vrai ? Mais écoute, c'est merci. Bah c'est vrai, sinon tu crois que une fois que je me suis tapé en bas, qui m'a sonné dans la voiture, je t'aurais rappelé. Attends, j'en peux plus, lui. J'ai pris un Uber partagé. C'est la dernière fois que je fais ça. Pourquoi ? Ah, bah écoute, je t'explique avec les investissements en ce moment sur le salon et tout. Je suis un peu ric-rac. Hey. Ah ouais, c'est tombé. Je suis tombé sur un mec. Et t'as pas de voiture ? Si, bah justement, la voiture, elle est. Je la sors pas là en ce moment, tu sais, c'est un peu galère. Je laisse la Porsche au garage, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. La Porsche, carrément. Ouais, j'ai fait. Tu sais, avec les boîtes, c'est plus facile. Donc je l'ai laissé, au salon tranquille, j'évite de la sortir. D'accord. T'aimes bien les voitures, toi ? Eh bien, écoute, oui. Bah écoute, je après, je n'ai pas une Porsche. Mais... Ouais, bah écoute, tu sais. La Porsche, hein, c'est de temps en temps. Quoi. Je t'inviterai si tu veux, on fera un tour ensemble. Ouais, je pourrais t'amener si tu veux, ça pourrait être sympa. Hein, on pourrait se faire une petite sortie et kiffer. Ça va, je te sens un petit peu. Je sens un petit peu down. Là. Ah, mais non. Je te sens down grave. Ouh, oh putain, excuse-moi, j'ai un fou rire là. J'ai un petit chien, je sais pas si tu connais les Yorkshire là. Je regarde celui de ma mère et je suis pieds nus et il arrête pas de me lécher les pieds. Oh le con ! Oh putain ! Oh le salaud ! Oh putain ! Aïe aïe aïe aïe ! T'as des chiens toi ? T'as des chiens, des chats ? Ah non. Non d'accord. Aucun des deux. Écoute, je ne fais jamais cette bêtise. Oui, c'est l'horreur. Putain, mais sors! Vas-y, va là-bas! Il a pas bouffé en fait, tu sais. Il doit avoir les pieds salés, quelque chose. C'est pas possible. Je te jure, je dois avoir les pieds salés. C'est un truc. Peut-être. Elle a quel goût ta peau, toi? Sucre, sel? On est sûr de quoi? On est sur un salé, on est sur un sucré? Hein? Ou toi, je te vois plus proche de la chouquette? Non. Non? Je pense pas. T'es plutôt curly ou chouquette? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Bon. Qu'est-ce que tu fais, toi, ce week-end? Tu bouges un peu ou pas? Ouais, là, ce week-end, j'ai des trucs de prévu avec des potes à moi. Ah ouais? Et je bouge ouais, tout le week-end. D'accord. Et... soir, samedi midi, samedi soir. Oh là là, c'est... Oh là, c'est la compléto, là. Ouais. Là, c'est full tout le week-end. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Moi, je te dérange? Oui. C'est toi qui as été aux toilettes pour la dernière fois, il y a une odeur de merde. Oh, tu tires la chasse. Tu tires la chasse. Mais c'est ton chien qui chie partout. Tu mets de la merde sur les parois. Oh là là, c'est ton chien qui chie partout. Oh là là, l'horreur. Mais elle est folle, celle-là. C'est un truc de ouf. Ouais, tu veux plutôt qu'on se voit peut-être début de semaine? Elle a raccroché. Oh non. Mais c'est quoi, ça? Ouais, mais qu'est-ce qu'elles ont? Mais qu'est-ce qu'elles ont? Mais qu'est-ce qu'elles ont? Elle a raccroché, mais Rico, il est allé beaucoup plus loin. Ouais. Ouais. Oh, ouais. Si je peux me servir. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. About Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. That's not what I see. So look what I got, look what you taught me. She grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens. At least this song is a smash. This is complete and total bullshit.

Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, Marni Kesmak, c'est la suite dans le playlist Énergie, Imagine Dragon sur aussi Ritza, Lady Gaga, Bradley Cooper, j'adore, waouh waouh waouh. En attendant, c'est le meilleur de Mickaël sur Énergie, 23h-3h chaque nuit sur Énergie. Et Fabrice, un motard, est venu passer un petit coup de gueule contre les automobilistes, c'était à l'antenne début de semaine sur Énergie, écoutez. Bon alors Fabrice, Montbéliard donc, tu avais un coup de gueule à passer, qu'est-ce qui se passe? Bah surtout pour les automobilistes, là, qu'ils arrêtent de regarder leur portable et puis qu'ils gardent leur route surtout. Hein. Pas de clignotant, ça déboîte à regarder, c'est la totale quoi. Les stops pas marqués, Non mais tu dois pas faire un coup de gueule contre les automobilistes, tu fais un coup de gueule contre ceux qui font ça. Parce que de un, tout le monde le fait pas. Ça, ouais. Et parce que regarde, tout à l'heure, j'ai failli écraser un abruti qui était en scooter parce que j'étais dans une rue classique, normale. Je tourne à droite, je mets le clignot, sauf que cet abruti voulait me dépasser par la droite, il a cru qu'il allait plus vite. Donc moi je tourne, je le vois pas tout de suite. Et cet abruti, il freine, il klaxonne. Putain, mec, il a de la chance, j'ai pas le temps. Mais en même temps, toi, quand tu conduis, c'est carnaval aussi, hein. Tu conduis comme un sauvage. C'est une blague, j'espère. Dans Paris, à chaque fois que je te vois conduire, franchement, t'as une conduite sportive, comme disent les chauffards. Non, tu conduis de façon hyper agressive, moi je trouve. Non, c'est vrai, tu tournes en mode vénère et tout. Tu tournes en mode vénère. Ah ouais, ouais. Si. Toi, tu connais pas la. Moi, je t'ai déjà vu conduire dans Paris, en ville. C'est un truc de ouf. Non, c'est malade ou quoi? Mais sincèrement. Les injures, etc. Bien sûr que si. Les injures? Mais combien de fois j'ai vu insulter des gens? Mais dans ta barbe, certes, arrête d'inventer. Non, mais je devrais te filmer en bagnole. Bah, filme ce que tu veux, mais ça n'existe pas ce que tu racontes. T'es ouf ou quoi? Il y a plein de gens comme toi qui se voient pas quand ils conduisent, mais moi. Non, mais je me vois très bien. T'as une conduite hyper sportive, soi-disant, et un peu agressive. Mais il est complètement dingue. Ni sportif, ni agressif dans sa conduite. Polo qui passe son temps en voiture avec moi, je joue comme pas. Non, honnêtement, il conduit pas. Attends, alors agressif. On va faire autrement. Dans ce cas, est-ce que tu trouves que Polo a une conduite agressive? Ah, mais pas du tout. Oui. Polo, attends, si. Non, Polo, il essaie le calme olympien. Non. Il y a un mec qui lui coupe la route, il lui demande pardon. Franchement, vous êtes pareil. Vous deux, en voiture, vous êtes les mêmes. Mais celui qui calme, c'est top. Complètement ouf. Bon, bah, voilà autre chose. C'est vrai? C'est mal, c'est un pleutre. Ouais. Il va pas s'énerver. Bon bref, et donc du coup Fabrice, c'était le coup de gueule sur les automobilistes qui effectivement font pas gaffe quoi. Bah surtout ouais, parce qu'on est une bonne copain, on fait 20-25 000 km par an en moto. Ouais. Attends, en tant que motard, tu dois toujours avoir quoi? Un casque. Oui, c'est la base. Les gants. Non. L'équipement. Non. Une veste. Les réflexes. Non. L'attention. Exactement. Et tu dois toujours regarder ce que font les gens et tu dois improviser et te dire ah ce bâtard il va déboîter ou je sais pas quoi. C'est pas vrai? C'est pas plutôt anticiper. Oui c'est ça. J'ai pas dit déboîter. Improviser. Je dis improviser. Ça fait 30 ans que je roule, j'ai jamais eu d'accident encore. Non mais c'est bien. D'accord. Non mais c'est très bien. Pas me plaindre. Mais on t'a pas dit ça. On t'a dit juste qu'il faut faire attention. Tu sais très bien que l'automobiliste est un peu space. Bah, j'en ai vu un la semaine dernière sur l'autoroute, à la voie du milieu, il regardait un film sur sa tablette, mais du volant, quoi. C'est quand même grave, quoi. Je connais un aussi, mais. Ouais, bah oui, mais toi, il faut que t'arrêtes ça. Hein. Bien sûr, je vais c'est arrêter ça. Voilà, hein. T'as des gens qui sont pas au courant, mais en tout cas, c'est illégal. 750 euros l'amende, je crois. Tu crois? Non, ouais. Non mais si, si, j'ai renseigné dans le. Non, mais parce que ça fait un an ou deux, je crois, qu'ils ont. Ils avaient. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de loi contre ça. Puisque tu sais, à l'époque, bah, tu pouvais pas. Enfin, ça marchait pas, quoi. Ça n'existait pas. Bah oui. Et donc, du coup, c'est arrivé au fur et à mesure. Et après, ils ont voté une loi. Mais je ne sais plus depuis quand. Un an, deux ans, peut-être trois, je ne sais plus. Et donc, du coup, je crois qu'ils avaient dit que c'était 750 balles. C'est scandaleux. Bah, c'est scandaleux. Bah oui, mais bon. Ou une série ou peu importe. Oui, bah oui. Et puis, il y en a qui regardaient des animés, il y en a qui regardent des trucs, la télé. Non, mais c'est vrai. Bah, je sais. Bien sûr, mais enfin. Bon. C'est vrai. Eh ben oui, mais bon. Voilà. Des inconscients. Okay, ben complètement. Bon, et ben Fabrice. Voilà, ben merci. Et ben avec plaisir. Salut Fabrice. Ben, bonne soirée. Avec plaisir. Tchuss, à bientôt Fabrice. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught into the beast, out of world without the peace, facing a bit of the truth, the truth. Sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin. Lady Gaga, Bradley Cooper, c'est la suite, ça arrive pour vous ce matin, avec aussi Ritza et Eva Guest dans la playlist Énergie. Et puis le meilleur du Rico Show, c'est à 20h le Rico Show sur Énergie chaque soir. Et le dossier de tabou, c'était mardi sur Énergie, écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. On termine ce dossier tabou puisque j'ai vu cette info. L'amour groupé, c'est de plus en plus. Hein. Vous n'êtes pas parti pour faire l'amour à plusieurs au départ. Ouais. Hein, puis la soirée dégénère ou vous avez envie de faire l'amour avec votre compagnon. Il y a quelqu'un à côté, vous faites l'amour. Hein. Ça peut pas être graveleux, mais en tout cas, ça vous dérange plus quand vous avez envie. Vous avez envie. Ouais, moi, en fait, un coup, j'étais en coping là sur Argelès. D'accord. Ouais, non, mais ça, c'est un coping. Putain, hey, Patrick. J'avais un pote. Tu vois, il avait ramené une nana. Ouais. Et tu sais, on dormait sur les matelas gonflables. Là. D'accord. Tu vois, les matelas gonflables, ouais, les gros trucs. Ouais. Et à un moment donné, c'est. Bah voilà, ouais, ça queen. Ça queen, tu vois. Ouais. Et moi, je croyais que j'étais dans un rêve. Ouais. Tu vois, je me disais, mais je fais quoi? Je suis sur un trapèze ou quoi? Et en fait, tu vois, à côté de toi? Ouais, trampoline, tu sais. Il était à côté de toi, collé. Ouais. Et moi, je commence à rebondir sur le truc et tout. Il arrive à faire queener un matelas gonflable, le type. Mais là, boum. Et là, d'un seul coup, je me retouche, mais qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, tu es en train de calmer. Sauf que je connaissais pas en fait. Je connais tout seul quoi. D'accord, t'es une piscine à vagues le bordel. Il était là. Ah, j'ai le mal de mer là. Oh putain, le Vendée Globe le gars. Ah, il s'est les avares. T'imagines le rêve quand ça doit bouger. T'as, c'est délire. Alors après Jonathan, il y a Fanny qui a dérapé. Elle a fait le 0870 40 42 48. Et je crois que c'est souvent comme ça que ça dérape. Ça va Fanny? Coucou Rico, coucou l'équipe. Salut Fanny. Alors Fanny, raconte-nous un petit peu comment ça a dérapé et comment ça a fini en sexe groupé. Bah en fait j'étais en soirée vers la fin et puis bon on a fait un jeu. Ouais. Je sais pas si vous connaissez le jeu du piccolo. Ah bah oui, en fait vous faites un petit jeu. Ouais, le piccolo, bah ça dépend, normalement tu le fais avec devant un match de foot, non? Pourquoi demander à JM à chaque fois? C'est piccolo foot, c'est ça après. Mais c'est quoi piccolo? Ouais, mais parce que toi tu le fais entre mecs. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ils doivent se toucher la nouille entre copains. Non, moi, Fanny, explique-nous ton piccolo. Ouais, voilà. Bah, mon piccolo, c'était à chaque fois, il y avait des questions, et puis on, si on ne trouvait pas la réponse, on buvait un verre. Ah, d'accord. D'accord. Ah, ouais, les jeux à ne jamais faire, d'accord. Ok. Un verre. On était complètement torchés. Et puis, ouais. Bref, ça commençait à partir en couille. Tout ça poil. Et on était deux filles et un mec. Et en fait, c'est parti bah, en couille. D'accord. Mais, oh, putain, du coup, on s'est retrouvés tout nus, en fait. Et puis, bah voilà, quoi. On était chaud, on était patates. Et bah, c'est devenu chaud patate. Ah, bah, apparemment, c'est souvent comme ça que ça dérape, l'initiative. Et du coup, Fanny, moment gêne après le lendemain et tout. Est-ce que t'as revu le mec? On en est où? Ben, en fait, après, on s'est endormi comme des gros porcs, franchement. D'accord, ah, ça devient ronfler, ah ouais. Ça devient ronfler sec. Ah, ça va sentir bon là-dedans. Ah ouais. Oh, l'odeur. Ah, l'alcool et le sexe. Ah, ça devait sentir la fraise, là. Et du coup, Fanny, raconte, est-ce qu'aujourd'hui, le mec, vous le revoyez avec ta pote ou plus du tout? Oh, non, on fait des soirées, mais plus de piccolo. Ah ouais. Ah, c'était Piccolo Nicolo. C'est exactement ça. Non mais c'est ouf cette histoire. Et du coup, ça dérape et tu te retrouves comme ça dans une histoire groupière, quoi. Oui, mais c'est pas volontaire, c'est sous l'emprise de l'alcool. Ouais, ouais, non mais. J'aurais jamais fait, C'était ma première fois à trio. J'avoue, c'était pas mal. Attention, JM qui participe à des groupes anti-alcool. Ah, évidemment, ouais. Non, mais surtout, excuse-moi, mais le type qui organisait cette soirée, c'est le mec le plus malin du monde. Il fait un piccolo avec deux nanas, ouais. Champion, frérot. Ah, non, sérieux, vous l'avez pas vu venir en plus. Et en plus, il a dit hey, on a niqué qu'au bout du troisième jour. D'habitude, j'en mets 5. Les bords en l'air. Oh, on les ravitera. Non, mais c'est ouf cette histoire. Mais c'est souvent comme ça que ça se greffe, ça dérapouille. Et puis, c'est aussi parce que les filles sont très copines. Entre elles, et puis elles tentent l'expérience un petit peu comme les mecs qui sont très copains entre eux. Et, oui. Et ah oui, c'est plus rassurant quand il y a ta copine avec, forcément. Ah oui, merci, non, mais ça. T'es plus à l'aise. Bah, sinon, c'est de la tromperie. Mais non, mais quand il y a ta copine, moi, si je suis avec une copine, je suis plus en confiance. Il y a un mec avec nous, comme elle le tu dit. Tu veux pas venir avec une copine au ricochet? Je ne bois pas d'alcool, malheureusement. D'accord, mais c'est pas grave, hein, on va te détendre. Si, c'est pour vous supporter. On va faire un flotolo à base de Volvic. Et crois-moi, ça va aller. Le flotolo, t'inquiète pas, on va te détendre. Ramène ta meilleure copine là, n'hésite pas. Non, Sarah, le sexe groupé, ça te parle un peu ou pas du tout? Non, mais on dirait un psy, mais bah, déjà fou, le sexe groupé. Mais laisse-moi me concentrer voilà sur ma sexualité à moi toute seule, ouais. Et après on verra. Pour avant de jouer en double, faut savoir jouer en simple. Tout à fait, coach. Merci, coach. Fais gaffe, hein, t'as un mauvais revers. T'as rayé le casque. Manœuvre. Non. Mais ils sont fous. Fais gaffe, ça va finir faute cette histoire. Ah oui, ça va finir double faute. Dans le filet. Ouais. Bon, en tout cas, on va embrasser celle qui monte à la volée, Fanny. Ah ouais. Bisous Fanny, match. Et doucement sur le smash, hein. Ouais. On t'embrasse. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Tu n'es plus sur les réseaux, tu m'as bloqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai faussé. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. De mentir quand je te souhaite le meilleur, sans dire un mot, on s'est tourné le dos, comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano, tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera, le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué.

sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Ouais, vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde, j'espère que ça va ce matin. Une belle journée, un bon réveil, on est jeudi. On va écouter Bad Bunny avec Drake dans un pays Énergie. Il y aura aussi le nouveau de Mark Hanson avec Miley Cyrus. C'est pour vous ce matin. Et puis bah, aussi le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Ça retourne en direct dès 6h tout à l'heure. Et voici ce qui s'est passé hier matin sur Énergie. Énergie vous souhaite un joyeux Noël avec Manu dans le 6-9. J'ai un nouveau passe-temps. Ah, c'est quoi? Alors en fait je suis célibataire depuis quelques mois hein. Ouais. Du coup j'ai un peu plus de temps seul. Ouais, c'est vrai. Et en fait j'ai en même temps plus de temps et en même temps moins de meubles chez moi. Moins de quoi? De meubles. Ah oui, bah, oui. D'accord. Oui, ouais, de meubles. Okay. Parce qu'on avait des meubles pour deux, maintenant on en a pour un et donc il y en a qui sont partis et, ah, et, oui. Et donc des fois quand je suis dans mon salon, je dis bonjour, ça fait bonjour, bonjour. Non, c'est triste Manu là. Voilà, donc faut que j'achète des meubles mais je suis nul en déco. Et en fait je me suis mis sur Pinterest. Vous voyez le réseau social Pinterest? Ah oui, ouais. Si vous connaissez pas, c'est simple. C'est en fait tout le monde met des photos sur n'importe quel thème et tu tapes déco ou meubles salon ou meubles télé. Ouais. Ouais. Et t'as des milliards d'idées de meubles télé. C'est ouf, c'est sans fin. Et le problème, voilà. Ouais, si t'as dit trop. Le mot, c'est sans fin. Mais oui. Je veux acheter un putain de meubles télé. Ouais. Je tape meubles télé et pendant une heure, je gobe des meubles télé. Ouais. Et j'ai toujours pas acheté mon meuble télé. La télé, elle est par terre chez moi. Et je gobe des meubles télé. Je me dis, putain, faut que j'en achète un, merde. Ouais. Et non. Je regarde. Oh, c'est génial. Et en fait, tu passes de meuble télé en meuble télé pour terminer à chaque fois sur faites votre meuble télé en palette. Ma question est, quel est votre passe-temps du moment? Vous pouvez nous appeler au 0870 70 42 48 ou sur Twitter avec le hashtag Malu dans le 69. Vous avez un peu de temps à tuer, qu'est-ce que vous faites? Quel est vos passe-temps, Glandu? Moi, il y a un truc qui m'a pris il y a deux semaines et je le fais pas mal, c'est que je vais visiter toutes les villes du monde sur Google Street View. Je prends un peu de temps, je prends une rue au hasard dans une ville que bah rigole pas. Je prends une rue t'as rigolé sur mes meubles en palette. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, je prends une ville au hasard dans une ville connue et je me balade comme ça avec les petits curseurs. Et par exemple, c'était avant-hier, j'étais à Sofia en Bulgarie. Ouais, je suis parti là-bas. Et t'es chez toi. Ouais, mais je visite un peu par procuration. Une très belle ville, charmante. Ça fait Glandu, même pour les voyages, il est radin, quoi. Il va rencontrer une meuf, il va dire sa liste qu'on avait bu la peste. Viens derrière mon ordi. Week-end à la mer, viens dans le canapé. Quel est votre passe-temps en ce moment? 0870 42 48 sur Twitter avec le hashtag Malu dans le 6-9. Il y a Mélodie qui dit: je copie des lignes comme lorsqu'on était puni à l'école, j'aime bien, ça m'apaise. Voilà. Oh la vache. Okay. Ah, ça peut déstresser, ouais. Etienne, je fais du diabolo. C'est cool ça. Je sais pas, le diabolo, j'ai l'impression que c'est que des mecs dans la rue devant des monuments. Ah ouais. Ouais. Aurélie, bonjour. C'est toi, moi. Bienvenue sur Énergie, Aurélie. Quand t'as un peu de temps à perdre, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton petit passe-temps, Aurélie? Alors moi, je me suis mise au coloriage anti-stress. J'ai plein de bouquins là-dessus. Oula. Aurélie, apparemment, tu t'es pas mis à j'ai un nouveau forfait téléphone. Ouais. Aurélie, je suis désolée, ça coupe. Vous m'entendez mieux là? Ah là, on est à peu près, ouais, vas-y. Je bouge plus. Ok, lève la main, ça fait antenne. D'accord. Vas-y. Moi, je me suis mise au coloriage anti-stress. Ouais. Et j'ai plein de livres là-dessus. Je me pose sur mon canapé, ça me détend et tout va bien. Ah ouais? Ouais. Le coloriage. Tiens, à la maison ça passe, c'est au restaurant où ça passe un peu moins. Ouais. Si t'as un premier rendez-vous et que tu demandes des crayons. Ouais. Ah ouais, t'es venu avec ton fils? Non, c'est pour moi. Merci de nous avoir appelé, Aurélie. Votre passe-temps du moment quand vous avez 5 minutes, là, tranquillement, détendu. Paulette? Je vais à des procès. Oula. Quoi? Pardon? Oui, en ce moment, moi, je vous en ai pas trop parlé, mais en fait, c'est mon rêve d'aller à des procès. Non, ton rêve, c'est de faire l'émission d'Élise Lucet, là. Ouais. Ah oui, il y a ça aussi. Ah, pardon. En fait, tout ce qui a rapport avec des choses un peu spéciales. Exactement. Hein. Ok. Et j'ai un copain avocat qui m'a prise en stage. Non. Ah ouais, ouais. C'est en stage. C'est bah, en stage d'avocate, quoi. D'observation. Mais oui, bah, j'observe. Hein, mais t'as un stage avec une convention de stage? Mais non. Ah bah, j'ai comme une convention de stage. En fait, c'est lui qui me l'a fait par un autre cabinet. Enfin bon, bref. Mais ah c'est, ouais, c'est légal, quoi. Et, bah, oui, bah, c'est un avocat. Hein. C'est dingue. Oui, d'accord. Mais donc, t'es en stage chez un avocat? Ouais. Ouais, mais ouais. Et là, on, a le, là on, a le, on est sur le premier procès. Donc, et on va au, à la cour d'assises l'après-midi. Mais t'as la robe et tout? T'assises au truc? Je l'ai essayé, sa robe, j'ai eu droit. Mais en off, hein, dans le cabinet. Ah, ouais. Ah oui, à un moment, t'as pas le droit de te lever au tribunal en faisant écoutez! Objection! C'est moi qui vais faire la plaidoirie à 21h maintenant. Putain, t'imagines le mec qui est l'accusé, qui rentre dans le tribunal, il voit qu'il y a Paulette qui l'écoute peut-être tous les matins à la radio, il se dit oh putain, je suis mal barré. Non, surtout pas. Il se dit pas ça. Il se dit ok, coupable, coupable. Tout à l'heure. 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Yeah. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah, tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, te toco y hasta el mundo deja de ir, ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. We're broken. We're broken. Mm-hmm.

Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin. Petit café, petite douche, et puis là c'est reparti, une nouvelle journée qu'on passe ensemble sur Énergie avec vos hits préférés. Il y aura Panic at the Disco pour la suite, Calvin Harris avec Dua Lipa, et avant de le retrouver en direct dès 6h, avant de vous doubler votre salaire aussi à 7h05 et 8h05, ça va être cool. Inscrivez-vous à énergie.fr. Aussi le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Joyeux Noël. 0 870 42 48, vous nous appelez et vous nous posez des questions qui démarrent toutes par « Avez-vous déjà ?» C'est parti, on a Laurine. Bonjour Laurine. Salut Manu, salut les Wamas. Salut. Coucou. Bienvenue sur Énergie, Laurine, on t'écoute. Alors, avez-vous déjà embrassé une personne du même sexe que vous? Avez-vous déjà embrassé une personne du même sexe que vous? Paulette? Oui, ma meilleure amie. À chaque fois qu'on pour se dire bonjour, en fait, on se fait un smack. Tout le temps. Tout le temps. Mais je sais pas, c'est depuis qu'on est petite, quoi. On s'est toujours dit bonjour comme ça. Et au départ, ça perturbait vachement son mec. Et là, maintenant, il fait plus gaffe du tout. C'est normal, quoi. C'est normal. Et le jour où vous faites la bise, il fait bah, yo, le smack. Alors, Nico? Nous, c'est un truc qu'on aime bien faire aussi avec Glandu. Avec Glandu, j'en étais sûr. Je sais pas d'où c'est parti. C'est uniquement en boîte. Ouais, ah bah oui. Ah, il y a un contexte. Moi, pas que Nico, j'embrasse aussi d'autres potes. Je suis pas l'homme d'un seul homme, quoi. Ouais. Non, mais là, c'est de l'affection, quoi. Et puis, à défaut de trouver une meuf, au moins, j'ai des mecs, quoi. Oh, mais c'est pas le truc. C'est dur. Alors, je suis rentré seul, mais j'ai fait 5 smacks. Non, mais c'est de l'affection, quoi. C'est Glandu, c'est limite, il te tape sur l'épaule. Écoute, je suis seul un peu, donc au moins juste pour moi. Tu me fais un smack? S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, un, arrête, c'est pas ça non plus. C'est pour rigoler. Non, mais t'es gênant en soirée, tu le sais. Hein. Ouais. Et Laura, bonjour. Merci de nous avoir appelé, Laurine. Belle journée à toi. Et Laura, bonjour. Salut Manu, salut les Wouin. Bienvenue sur Énergie. Et Laura, on écoute toi. Avez-vous déjà? Alors, moi, j'ai une petite question. Avez-vous déjà perdu une grosse somme d'argent? Ah. Avez-vous déjà perdu une grosse somme d'argent? Glandu, oui? Bah, en une fois, non, mais franchement, si on additionne l'argent que j'ai perdu avec les paris qu'on a fait tous les deux. Alors, tu sais quoi? On est pas loin de 250-300 euros. Je pense qu'avec tous les paris que t'as perdu. Sur 4 ans, ouais. Ouais, on est bien à 250 euros que tu me dois. Ouais. Putain, avec Glandu, t'as rendu tes fins de mois en fait. Hein. C'est ouais, pas c'est mal. Hein. Mais le problème, c'est que, en fait, le truc, c'est qu'il perd. Bon, il perd souvent au pari. Mais ensuite, donc, il me doit l'argent et il me fait son petit regard, là, voilà. C'est quoi? Il me fait son petit regard, et ça revient à la question d'avant, son petit regard de « Allez, fais-moi un smack ». Il assume pas, quoi. Et donc, du coup, je peux plus lui demander l'argent, quoi, voilà. Arrête, des fois, je le donne. Quand est-ce que tu l'as donné une fois? Si, c'est arrivé. J'échelonne les paiements, quoi. Ouais, j'échelonne les paiements, je paye mois par mois, quoi. Non, mais t'échelonnes, pour échelonner les paiements, il faut déjà avoir le premier paiement, déjà, de base. Ouais. En tout cas, Laura, merci d'avoir posé cette question. Y'a pas de quoi, bonne journée. Bonne journée à toi. Richard, bonjour. Bonjour, ouais. Quel est ton avez-vous déjà? On t'écoute. Alors, avez-vous déjà mangé quelque chose de peu commun? Avez-vous déjà mangé quelque chose de peu commun? J'ai mangé du caribou. Ah ouais? Ouais. Mais à même le caribou dans la forêt, j'étais seul et perdu. Non. Quelle horreur. Ah, tu m'as fait peur, Manu. Non, j'étais au Québec et le mec nous a fait goûter du caribou. Pour de vrai? Bah oui. Tu regrettes, ça se voit. Oui, c'est pas ma plus grosse fierté. Je préfère avoir sauvé quelqu'un d'un incendie. C'est sûr. Oui, quand t'es à un dîner et que tu racontes des histoires, qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai sauvé des gens, et toi, moi aussi, et toi, j'ai mangé du caribou. C'est pas vers toi que les regards se tournent, c'est clair. Vrai. Isabelle, t'as quoi, toi? Moi, j'ai mangé un truc vraiment horrible. En fait, c'était en Corse. J'ai mangé du casoumerz. Et c'est du fromage aux asticots. Donc j'avais vu le fromage, on était entre amis, on rigolait et tout ça, c'était les vacances. Mais j'avais pas vu les asticots dedans. Ah ouais? Alors tu sais comment. Un jour on m'a montré ça et on m'a dit en fait, on va te faire manger un fromage qui marche tout seul. Quoi? Oui, c'est ça. Un fromage qui avance tout seul. Je fais comment ça? Et ils ont sorti un truc, effectivement. Ouais. T'as le fromage, comme il bouge tout seul avec les asticots dedans. Et ben c'est le fromage qui marche tout seul. Mais moi j'étais dans la pénombre et je les ai pas vus, tu vois. Donc j'ai gobé un gros morceau comme ça et oh là là, je m'en remettrai jamais. Et du coup, Isa, je suis mal. C'est la fille qui marche toute seule. Oh, c'est terrible. Merci Richard de nous avoir appelé. Belle journée à toi. Belle journée. Ciao. Ludivine, bonjour. Oui, bonjour Léon. Avez-vous déjà, on t'écoute. Avez-vous déjà fouillé un des portables de vos proches? Jamais. Ah non. Ah ouais? Ah non, je n'ai jamais fouillé le portable de quelqu'un parce que si tu cherches un truc, tu vas trouver. Ouais. Ça m'est arrivé de quelqu'un montre une photo, voilà, tu swipes. Ouais, forcément. Ouais. Voilà, évidemment. Ah oui. Moi, je l'ai fait, mais pour la bonne cause. Nico, pour la bonne cause, t'as fouillé? L'année dernière, dans le portable de ma femme, parce que je voulais trouver, c'est le cadeau de Noël qu'elle voulait me faire. Ah, donc je suis allé dans les photos et c'est pas une bonne cause ça. Vas-y, non, mais je voulais savoir, je suis impatient, moi je voulais savoir ce qu'elle m'offrait. Mais c'est pas une bonne cause, et pour savoir ce que j'allais lui offrir. Ouais, je suis curieux, ouais. T'es pas un enfant, tu peux quand même te dire que voilà, doucement. Ah non, non, je voulais pas la surprise, je voulais absolument savoir. Et puis il dit pour savoir ce que je vais lui offrir. Donc si elle achète un truc nul, t'achètes un truc nul ? Bah non, mais je voulais voir quand même. Et t'as trouvé ou pas ce qu'elle voulait offrir ? Non, bah oui, j'ai trouvé une capture d'écran, il y avait une capture d'écran de PS4. Donc je me suis dit putain c'est trop bien. Bingo. Ah oui. Et du coup j'attendais à Noël et tout et j'ai vu le package, j'ai dit putain ça pue et j'ai eu un pull. Mais non. Donc je sais pas pourquoi elle a fait une capture d'écran de PS4. Ah, bah, voilà. Parce qu'elle savait que t'allais fouiller dedans. Elle s'est dit bim, ça lui met un coup quand il va avoir le pull de merde. Ouais. Et Manu, t'as pas eu une PS4 toi à Noël l'an dernier ? Si, j'ai une PS4. Ah, ok. Oh les gars, non, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? On enchaîne. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois savoir un truc. Bah, disons que quand il va naître, il va me ressembler beaucoup. Oh. Arrêtez ! Quel Des 6 heures, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Something great.

Sur Énergie, c'est Cédric. J'espère que ça va ce matin. Vous êtes peut-être en train de sortir du lit, vous allez prendre la voiture tout à l'heure, direction le boulot. Et peut-être que Manu dans 6-9 sur Énergie va passer la playlist suprême Énergie, c'est-à-dire pour vous 5 hits à la suite. Et donc, votre appel au 39-37 et donc 50 000 euros à gagner ici sur Énergie. Ouais, c'est une somme dingue. Hein. 50 000 euros à gagner peut-être chez Manu dans 6-9 sur Énergie avant 9h30. Il arrive en direct, le temps de se faire le meilleur de l'émission sur Énergie. Derrière, ce sera David Guetta avec Bibi Rexha. Manu dans le 6-9. C'est Manu dans le 6-9, tous les matins. 6h-9h30 sur Énergie. On n'a pas lu beaucoup de messages que vous nous envoyez. On n'a pas, pardon, écouté beaucoup de messages que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. On se rattrape maintenant. Je vous rappelle que l'application, vous pouvez la télécharger. Évidemment, elle est gratuite. C'est Nico qui écoute tout. Et quand on dit que l'application, justement, sert à nous envoyer les messages vocaux pour tout et pour rien, bah, c'est vrai. Écoutez celui-là. Salut, je m'ennuie. Alors, prout de caca, quoi. C'est rapide, rapide, efficace. Hein. Alors, oh, l'avantage, c'est que c'est anonyme. Oui. Ouais. Vous voyez, donc vraiment, vous pouvez y aller. On peut se recruter pour le plaisir. Ouais. Salut, je m'ennuie. Alors, prout de caca, quoi. Très bien. C'est incroyable. Je le dis souvent, la France avance, mais c'est pas grâce à nous. Voilà. Ouais. Alors, maintenant, ce qui me rassure, c'est que c'est pas grâce à vous non plus. On est ensemble. Bon, hier, on a eu une théorie dans l'émission qui disait que plus une relation dure, et au moins on fait l'amour. Enfin, on a eu une théorie, le prend pas mal, oui. Mais t'as beaucoup ouais. développé cette théorie. J'ai beaucoup trop développé cette théorie. Effectivement, dans la vie, donc il y a des gens comme moi qui approuvent voilà, ce truc-là. Et il y a aussi des gens comme lui. Bon, Manu, par rapport au truc que tu disais tout à l'heure, moi je vais te décevoir, mais on est mariés depuis 15 ans et plus ça va, plus on fait l'amour. Voilà. J'espère que vous êtes tous énervés. Salut. C'est pas sympa. Salut. Il appuie là où ça fait mal. Attends, quoi. Peut-être qu'il a commencé tout petit à l'inverse. Ah, peut-être qu'il a commencé au début, il faisait l'amour une fois par mois. Peut-être. Tu vois, et qu'après, j'espère. ça monte. J'espère. Peut-être qu'ils vivent tout à l'envers, ce couple, qu'ils ont fait la routine tout de suite. Exactement. Et petit à petit, il y a la passion. C'est possible. Ouais. Ouais. Peut-être qu'ils ont même commencé par divorcer. Hein. Bah, c'est... Bon, pour finir, dernier message vocal, c'est un poème rien que pour nous. Oh. Ah. Manu sans les ouin-ouin, il est rien. Les ouin-ouin sans Manu sont perdus. C'est une équipe de choc, une équipe de malades. C'est mon électrochoc, c'est pas une mascarade. Manu dans le 6-9 au réveil fait de ma journée une merveille. Oh, alors, alors bravo. Est-ce qu'on peut écouter le tout premier message? Oui. Salut, je m'ennuie. Alors, prout de caca, quoi. C'est autre chose quand même. Ah non, on peut pas. Dès 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. You've been dressing up the-

que jamais la raison n'atteigne. Cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. C'est le retour des slow, hein. Ouais, mais excusez-moi, mais ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu un slow qu'on mettait à la radio, quoi? Oui, un vrai slow depuis Hotel California. Ah, on n'était pas là, peut-être, mais bon. Non, Dead Jew aussi avec Jaloux, c'est un slow. Mmh, ouais. C'est le retour du slow. Bientôt en boîte, on va tout arrêter un moment, il y aura les slows. Il n'y a plus de slow en boîte. Non, c'est vrai. Mais moi, vous savez, à mon époque, on avait les slows quand on allait en boîte de nuit. Ouais. Et à mon époque, on n'avait pas besoin de vos téléphones. On nous donnait une clémentine et on jouait. Ouais. J'y crois jamais, hein, cette histoire. Hein. Bah non. Ce n'est pas possible que nos grands-parents leur filaient une clémentine et jouaient toute une journée avec. Non, c'est vrai que c'est chiant. Non, mais c'est impossible. Le coup de la pelote de laine, c'est pareil. Hein. Ouais. Non, vous nous mentez depuis ouais, des... Ouais. Un bâton, une pelote de laine, on s'amusait. Mais non. Non, grand-papa, je t'aime, mais tu ne t'amusais pas avec une pelote de laine et un bâton. Ouais. Et puis si en vrai, ils recevaient ça, ils étaient dégoûtés. Ah, mais je pense. Ouais. Ouais. Peut-être pour ça que de temps en temps, ils nous envoient une clémentine. Tiens, prends ça toi aussi. 5h55, soyez les bienvenus les amis, on démarre l'émission dans 5 minutes, c'est Manu dans le 6-9. Mais avant ça, comme chaque jour, 5h55, c'est le club du 5-5-5. Et chaque jour à 5h55, on se fait un petit plaisir pour nous lancer la journée. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, elle a 40 ans, ouais. Nelly Furtado. Wow. Ah. Nelly Furtado, elle a eu un peu deux périodes dans sa vie. Ouais. Une période un peu promiscueuse, say it right, où elle était sexy, tout ça, c'était ses 30 ans. Et à 20 ans, il y avait l'époque Fly Like a Bird. Ou aussi ce titre-là qui s'appelle Turn Off the Light. Wow. Ouais. Wow. J'avoue que je suis un peu amoureux de Nelly Furtado. Ça se sent, ça se sent. Ça veut dire éteins la lumière. Okay. Éteins la lumière pour faire l'amour, alors. Oui, on voit. Ou pour dormir. Voilà. Et merci. Nelly Furtado sur NRJ, soyez les bienvenus. It's getting so lonely inside this bed. To know if I should lick my wounds, say